Alors, j'arrête donc avec mes définitions guère sans new. Et simplement, maintenant, je voudrais parler des différentes formes vocales qu'on a entendues jusqu'ici et qui sont toutes largement utilisées en Bretagne. On a entendu jusqu'ici du chant soliste, sans qu'il n'y ait aucun accompagnement, sans qu'il n'y ait aucune répétition des phrases musicales, donc d'un chant soliste pur. On a entendu des solistes accompagnés par un chœur, on l'a entendu une seule fois, je crois. Et on a également entendu une troisième technique de chant, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le cornadiscan. Bon, sur lequel je comptais insister un peu, mais si vous connaissez ça déjà, c'est peut-être pas la peine non plus trop de traîner là-dedans. Alors, ces formes vocales, en général, sont utilisées d'une manière très localisée, en particulier dans l'accompagnement de la danse. C'est-à-dire que le cornadiscan qu'on a entendu tout à l'heure avec Manuel Kerjean et Eric Marchand, ça correspond vraiment à la Haute Cornouaille et aux confins nord du Pays Vannetais. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver en Pays Bigoudin. Quoique, là je parle de justement de la situation en 1900, j'ai des enregistrements, moi, qui me poussent à croire, enfin des enregistrements très anciens, donc qui ont été effectués au tout début du XXe siècle, qui me poussent à croire que cette forme du cornadiscan a été connue pratiquement dans toute la Cornouaille. Mais on a très peu de traces de tout cela. Alors ces formes vocales donc, sont utilisées d'une manière très locale dans l'accompagnement de la danse. Ce sur quoi je voudrais parler maintenant, c'est justement de cette danse. Alors il y a une phrase de Gilcher, moi, qui me plaît énormément. On n'a pas pu voir ça dans les films qu'on a vus tout à l'heure, mais je vous l'ai dit quand même. Pour Gilcher, la danse est un moment remarquable parce qu'on a dans une ronde qui danse une communion, la communion d'une communauté, une communion entre un geste, une poésie et une musique. Et ça définit vraiment ce qu'est la danse dans la société ancienne qu'on évoquait tout à l'heure. Alors cette danse en ronde, là je schématise encore Gilcher, cette danse en ronde, on va la voir évoluer pendant toute l'histoire récente. Je prends un exemple. En 1843, je crois que c'est la bonne année, Flaubert vient en vacances en Bretagne et il édite ses souvenirs, enfin son carnet de voyage sous le titre, je crois que c'est Par les champs et par les grèves. Je ne me trompe pas. Donc Par les champs et par les grèves, et il décrit une noce à Pont-l'Abbé. Et pour cette noce de Pont-l'Abbé, il décrit une danse menée par le Biniou et la Bombarde, une danse où je crois qu'il parle de 200 danseurs qui sont tous les uns à côté des autres, formant une grande chaîne. Bon, ça c'est en 1843. Si on prend les photos du tout début du XXe siècle, on voit que les danseurs ne sont pas en chaîne, mais ils sont comment? Ils sont deux par deux. Dans les films de 39, tout à l'heure j'aurais pu vous les montrer aussi, dans les films de 1939, on voit des danseurs bigoudins, quelques danseurs bigoudins, avec pareil une grande foule qui les regarde autour, ils sont deux par deux, c'est vrai. Alors comment ça se fait qu'entre 1843 et 1900, donc sur 57 ans, comment ça se fait qu'on soit passé de cette danse en grande chaîne à une danse deux par deux? Alors Gilcher voit là-dedans en fait un reflet de l'évolution de la société. Plus une société s'ouvre sur l'extérieur, moins elle va avoir besoin de se retrouver dans une communauté, moins dans une communauté de la danse. Donc plus la société s'ouvre sur l'extérieur, plus la ronde va avoir tendance à disparaître. Alors c'est pour cela que, enfin là je parle du revival quelque part, c'est peut-être pour cela que les danses actuelles qui marchent en fest-noz sont les danses qui font référence à la ronde. C'est-à-dire, c'est peut-être les danses les plus dépaysantes pour les jeunes des générations actuelles. Quoi. Ce matin, ma fille me parlait de ça. Ma fille a 18 ans. Elle est allée au fest-noz il y a quelques jours et elle a dansé un rond de Saint-Vincent chanté. Et elle m'a dit, oh, tu peux pas savoir ce que c'était bien. Si je savais, mais elle m'a dit, tu peux pas savoir ce que c'était bien. On était une cinquantaine et on chantait. C'était en français, ça aide parce que les jeunes parlent pas très bien le breton. On était en français et elle me disait, on a dansé pendant 45 minutes. Quoi. Et je crois que ça fait partie du revival, cette envie de goûter à un monde, à une sorte d'Éden perdu, à un monde perdu. Bon, les anciens, les très anciens diront pas forcément que c'est un Éden, hein. Mais en tous les cas, les jeunes ont peut-être envie de goûter à cette société communautaire, quoi, quelque part, quoi, où tout le monde est au coude à coude ou au doigt à doigt, et où tout le monde donc communie, comme disait Gilcher, dans un geste, dans une musique et dans une poésie. Alors, je vous propose d'écouter quelques musiques de danse, mais je vais en retirer. Quoi. Le cornadiscan, vous connaissez tous, il n'y a pas de problème. Oui, non, peut-être. Ouais, sûr. Bon, j'avais plein de choses à dire, c'est pas grave. Si je vous fais écouter un tout petit bout de cornadiscan pour une bonne raison, tout simplement. hop là, juste un début. C'est un micro-sillon. Mauvaise repart, c'est François Ménès. Donc il appelle les gens pour venir danser la gavotte. Il cherche l'air, c'est ce qu'on dit. Nirlasken tombe, quoi, donc cherche l'air. L'air commence à être installé. Pas les paroles, vous les comprenez. Nous sommes deux canfartettes, quoi. Et nous nous sommes promenés. Donc une poésie d'introduction pour appeler les gens à venir danser. Vous connaissez tous, c'est le moment de l'appel à la danse. C'est un peu phallocratique. Nous en serons avec les femmes jolies, parce que ça nous plaît. Je crois qu'on est dans le domaine de la saune après. Et cetera, et c'est parti. Etc. Et on part sur une gavotte. Bon, ce que je voulais dire là-dessus, c'était simplement, puis je ne traiterai pas trop là-dessus, parler de, disons, de la construction de ces phrases musicales, qui sont construites sur des chansons avec des vers de 13 pieds en général, parfois 12 pieds, mais en ce cas-là, on utilise des onomatopées pour faire le compte, ce qui permet en fait de créer un rythme. Le rythme de la danse, c'est le rythme de la poésie. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quoi. Enfin, c'est. Disons que c'est quelque chose d'assez général dans le domaine du Quand la Discorde. Je vais quand même vous faire entendre un extrait de Quand la Discorde que j'aime bien, qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Hop là, ce sont les Madec, monsieur et madame Mont. Ah voilà, allez, voilà. Hop là. C'est assez curieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans l'enregistrement? C'est bizarre. Hein. Alors qu'est-ce qui est bizarre dans cet enregistrement? Ben ils chantent pas ensemble. C'est-à-dire que c'est un monsieur et sa dame, ce sont monsieur et madame Madec, et ils chantent avec une 14e de décalage. C'est-à-dire, une 14e, ça fait un gros écart. La, si, do, ré, mi, fa, voilà. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Non, c'est une 15e. C'est-à-dire qu'entre deux, il y a une. Enfin, je suis en train de faire des confusions, excusez-moi. Il y a une octave et demie entre les deux. C'est une 13e, pour être précis. C'est, maintenant, je suis sûr de mon coup. C'est une 13e. Entre les deux, il y a une octave et demie. C'est-à-dire qu'ils sont en parallèle. En permanence, sans jamais être, en, si vous voulez, l'un sur l'autre au niveau des voix. Ok. Alors, ils ont toujours chanté comme ça et ils avaient un succès phénoménal. Quoi. Ils étaient de Colorec et ils plaisaient énormément. Alors, pourquoi je vous passe cet enregistrement-là? C'est pour que vous compreniez une chose que j'ai eu du mal à comprendre, moi, étant plus jeune. C'est que nos critères esthétiques de nous, personnes bien élevées, qui écoutons la radio depuis très longtemps, qui écoutons des disques, on baigne dans une société où il y a du son harmonisé, du son accordé, eh bien, on ne peut pas avoir le même regard sur ce type d'expression vocale qu'avaient les anciens il y a un siècle, on va dire. Vous voyez, pour les gens d'il y a 100 ans, c'était « Ah bon, ils ne chantent pas ensemble ? C'est pourtant drôlement bien, quoi. » Enfin, on n'a pas du tout les mêmes notions de la justesse et de la beauté. Alors là, je vous préviens, c'est parce que tout à l'heure, on va entendre des enregistrements très très durs, quoi, musicalement, qui ne correspondent pas forcément avec les critères du XXe siècle, mais qui correspondent, du XXIe, mais qui correspondent par contre parfaitement avec des critères qu'on a totalement oubliés. D'accord ? Hein, c'est juste pour vous préparer à tout cela. Un autre enregistrement qui ne sera pas de Corner Discount maintenant. Alors, je suis gêné avec mon écran. Là. Hop. Tac. Un autre. She love Tona, she love, she love Tona, she love. She love Tona, she love, she love Tona, she love. Une chanson composée sur les filles de Riantec. Donc là, on est dans la formule un soliste avec un chœur. Pas du tout de quoi la discorde, puisqu'il n'y a pas de tuilage. Hein, les chanteurs sont vraiment les uns après les autres. Voilà donc une formule qui va être qu'on va trouver assez fréquemment en Bretagne, en particulier sur les côtes de Bretagne. Alors là, on a un exemple de Basse-Bretagne, donc du Ventais. Voici maintenant un exemple du même type de chant, c'est-à-dire un soliste avec un chœur. Sur le pays gallo, quoi. Un jeune garçon de la ville d'Angers, c'est un jeune garçon de la ville d'Angers. C'est un jeune garçon de la ville d'Angers, c'est un jeune garçon de la ville d'Angers. A voulu déserter sans avoir son camp, j'ai pas la ridon, la ridon, pas la ridon. Donc, hormis la langue, on peut être dans le pays du l'enregistrement précédent. Il y a des laridons, il y a des onomatopées. Sans avoir son congé. A voulu déserter sans avoir son congé. A voulu déserter sans avoir son congé. Dans son chemin rencontre un jeune gendarme à pied. Falaridon, laridon, falaridon, dondé. Falaridon, laridon, falaridon, dondé. Dans son chemin, etc. Et un dernier exemple donc, de chant avec chœur, c'est pas Bigoudin, mais ça pourrait l'être. C'est un enregistrement qui a été pris sur la côte nord, donc en pays pagan. Donc une danse ronde, une danse de marin, une danse ronde aux trois pas. Une, deux, trois, ronde. J'adore ça. Pourquoi j'adore? Parce qu'on annonce une, deux, trois, ronde, on entend tchouk, tchouk. C'est-à-dire les gens commencent à danser, il n'y a pas de musique. Et ils commencent à danser en décalage complet avec la musique. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et ils y arrivent en plus. Je remets ça. Une, deux, trois, ronde. Et si on compte les temps. Dix-sept temps pour la deuxième phrase. Pour une danse à 4 temps, c'est pas mal. Hein. C'est pas un multiple. C'est-à-dire que les gens sont en décalage permanent, mais ils s'en fichent puisqu'ils sont dans un mouvement de danse. Ils sont pris dans leur danse, dans leur rythme. Non. J'aime bien cet enregistrement-là parce qu'il y a des tas de gens qui chantent très mal, quoi, dans la... Et ça prouve bien que c'est pas du boulot, c'est pas de la musique de professionnel, quoi. C'est de la musique vécue, quoi. C'est quelque chose qui quelque chose de populaire. On revient là, à travers tout ça, et la danse en ronde nous aide beaucoup à tout ça. À réfléchir là-dessus, on revient aux premières manifestations, enfin on revient à ces sociétés dont je parlais au moment du premier film. Alors justement, toutes ces manifestations musicales chantées, de quand ça date ? Question stupide, parce qu'on ne sait pas. On sait par contre que de tout temps, le chant a existé dans toutes les sociétés. Par contre, il y a une chose qu'on sait, c'est à partir du moment où vous opposez chant et instrument, on pourrait faire la question dans l'autre sens, c'est de quand date l'instrument ? Là, on a des réponses. On sait que la société médiévale bretonne, la société médiévale populaire, ignore l'instrument de musique. Guilcher a travaillé là-dessus aussi, ce n'est pas que lui. De nombreux médiévistes ont travaillé sur le sujet. Si les classes dominantes, entre guillemets, enfin si les hautes classes de la société au Moyen-Âge connaissent l'instrument, le peuple, lui, le connaît cet instrument. Il sait que chez le Seigneur, on joue d'un instrument de musique, mais le peuple ne pratique absolument pas ces instruments de musique.